Habitué de la mer, mon gars, du décart et de ses alentours, puis petit peu. Ça reste au même endroit comme les vautours. Les yeux habitués à regarder des trucs choquants. C'est dur de m'impressionner, y'a plus d'amour car y'a plus le temps. Habitué à survivre dans les mois difficiles, c'est la rage qui m'enivre pour pas finir à l'asile. Faut que je pense à penser mes blessures, foncer dans la vie ce que je veux, c'est sortir de ce putain de quotidien qui m'ennuie. Habitué à rigoler, à piller, va faire la guerre. Rentrer chez soi le matin, même en période d'hiver. Habitué à ruser pour pas se faire couiller, la vie m'a plus qu'usé. J'suis jeune mais déjà fatigué. Habitué à la haine, à mettre des pattes dans les molaires. Habitué à être sous-estimé depuis le système scolaire. Ma famille, moi, qui m'ont laissé une chance de montrer que j'peux réussir dans cette chaîne de France. C'est la haine. Tous les jours j'me lève, toutes les semaines, la rue qui m'enseigne, la même rage que j'aime pour que tu saignes. C'est la haine. Toujours ce même système qui me gêne depuis déjà tout jeune, tellement habitué que c'est dans nos gènes. C'est la haine. Tous les jours j'me lève, toutes les semaines, la rue qui m'enseigne, la même rage que j'aime pour que tu saignes. C'est la haine. Toujours ce même système qui me gêne depuis déjà tout jeune, tellement habitué que c'est dans nos gènes. J'ai trop l'habitude de squatter les mêmes escaliers, les mêmes halls, les mêmes caves, les mêmes parkings, les mêmes paliers, la même odeur polluée, les mêmes ascenseurs, les mêmes bancs, le même camp, ça l'ambiance pour évoluer. Habitué à tout ce qui m'entoure, ce qui m'est restitué. Bitume a plus souvent soulevé mes pieds que celle de la prostituée. La preuve, regarde de quoi nos pensées sont constituées. Tu peux le constater, c'est les mêmes choses que t'entraves. La même dégaine tous les jours de la semaine. Ambiance malsaine, Vénus passe près du cimetière et pas au bord de la Seine. Comment veux-tu lâcher quand le shit te tient par les poches? A force de le fumer, tu ne sens plus quand il te gratte la gorge. J'écorche les mêmes feuilles, craque les mêmes beats. J'traque avec les mêmes potes et toujours les mêmes rimes que j'débite. Toujours la même crignave comme sujet, car trop habitué, fallait que j'pénave, fallait que vous le sachiez. C'est la haine. Tous les jours j'me lève, toutes les semaines, la rue qui m'enseigne, la même rage que j'aime pour que tu saignes. C'est la haine. Toujours ce même système qui me gêne depuis déjà tout jeune, tellement habitué que c'est dans nos gènes. C'est la haine. Tous les jours j'me lève, toutes les semaines, la rue qui m'enseigne, la même rage que j'aime pour que tu saignes. C'est la haine. Toujours ce même système qui me gêne depuis déjà tout jeune, tellement habitué que c'est dans nos gènes. Habitué lors d'un contrôle, d'être insulté de sale nec, voir tes potes qui parlent à fumer. Sont devenus tout nègre. La flemme des années à pas savoir quoi faire. À sentir la patate que tu veux me la mettre, frère. Sur scène, à kicker ça, ma rage, à la chécra. En studio comme en live, c'est pas sans mes chimila. Mon identité musicale, à ma vision du rap, à constater des faits, d'être pris pour cible par l'état. Trop habitué à ma plume, à la rue, au gyrophare. Carrément habitué à soutenir tous nos proches aux stars. Savoir que beaucoup de familles survivent avec le SMIC. Que de l'autre côté, ils nous entraînent dans tout ce qui est maléfique. Habitué à l'amitié pure, qui chaque jour se nourrit. Je serai toi, je me méfierai de certains sourires. À salir la feuille blanche, dis-moi qu'est-ce t'en penses. À vivre dans la violence, pour masquer d'autres souffrances. C'est la haine. Tous les jours je me lève, toutes les semaines, la rue qui m'enseigne, la même rage que j'aime pour que tu saignes. C'est la haine. Toujours ce même système qui me gêne depuis déjà tout jeune, tellement habitué que c'est dans nos gènes. C'est la haine. Tous les jours je me lève, toutes les semaines, la rue qui m'enseigne, la même rage que j'aime pour que tu saignes. C'est la haine. Toujours ce même système qui me gêne depuis déjà tout jeune, tellement habitué que c'est dans nos